Christmas is coming. Christmas? Oh my gosh. Tout ça, ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard, il s'appelait Marine Noël, je m'appelais sans peur de la fin. Mercredi dès 20h, d'étranges individus se rassemblent dans un lieu tenu secret à Bruxelles. Cet endroit, ils l'ont appelé la Trappe. Ils pensaient faire leur réunion hebdomadaire seuls, à l'abri des regards. Mais ils étaient loin de se douter d'être dans un mode ultra connecté. Non loin des oreilles de tout Bruxelles, ayant perdu toute discrétion, autant mettre les micros et faire de la radio. La Trappe. 20h-22h. La Trappe avec Jadoul et toute son équipe. Oula. On est avec vous en direct. Bonjour, bonsoir, bienvenue, il est 20h02. On est en direct pour cette émission qui s'appelle La Trappe. Je m'appelle Jadoul, enchanté. Vous bienvenue. Débarquez ici pour la première fois. Eh ben ça tombe bien, il y a plein de choses pour vous. C'est une grosse émission qui vous attend. C'est la spéciale fête partie 3. Alors si vous avez loupé les premiers épisodes de cette spéciale fête de fin d'année, tout est disponible en podcast évidemment sur toutes les applications préférées de podcast. Mais en attendant, oh là, il faut que je vous annonce un peu ce qui arrive dans cette émission. Déjà, il faut savoir qu'on va vous offrir un très beau cadeau. On vous en parle dans un instant. Faut pas oublier que La Trappe, c'est quand même un espèce de rendez-vous du mercredi soir, en plein milieu de la semaine, une espèce de respiration comme ça. C'est vrai. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, on se retrouve tous ensemble. Toujours sympa. Et si on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils sont pas là, ces cons-là, aujourd'hui. C'est, ils sont là. Ah oui, on est là. Mais évidemment, on ne prendra pas de vacances, et ça aussi, c'est la bonne nouvelle, car la semaine prochaine, on sera là. En direct, n'est-ce pas Maëva? Oui, oui, tout à fait. Elle l'apprend. Ah mince! Je peux annuler un truc, mais... Merci pour ton dévouement, Maëva, c'est très gentil. Émission totale directe aujourd'hui pour les fêtes, alors fait-on ça. Attention! Il faut savoir qu'on fait pas de politique ici, hein. On essaye vraiment de faire attention à ça, mais on bon, reste neutre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu plein d'hommes politiques très célèbres qui se sont glissés dans l'émission, pas parce qu'ils font de la politique, hein, juste parce qu'ils sont célèbres et qu'ils sont rigolos. En plus de ça, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron, 45 ans. On va retrouver François Hollande qui fera l'interview combinée. Oui. Oh là là, bon, ça fait beaucoup de choses en rapport avec la politique, mais c'est pas grave. Je vous propose, vous savez quoi, d'y aller à fond. Voilà, autant être dans la politique, autant y aller jusqu'au bout. Par exemple, bonsoir Kix. Bonsoir, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Marine Le Pen te souhaite de bonnes fêtes. Très heureux Noël et très joyeuses fêtes à tous. Oh la tendresse, merci bien. La tendresse dans la voix, ah, Marine Le Pen évidemment. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Alors tu as le bonjour d'Éric Zemmour toi. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix. Chers compatriotes, joyeux Noël. Ah bah alors là, dit comme ça aussi, ils ont une espèce de ton très agréable pour les chaleureux, fêtes. Chaleureux. Oui, je trouve que ça respire la joie de vivre. T'as été chercher les bonnes personnes en tout cas. Ah bah là, la sélection était... Mais j'ai essayé de mettre un peu de tout le monde, comme ça après on va pas nous taxer de mettre un certain parti en avant ou quoi que ce soit. Comme ça, il y en a pour tout le monde, voilà. Énorme. Dans un instant, on va avoir l'occasion de faire notre top 5 des pires situations de Noël. Ça va être incroyable. On va aussi avoir un pour toi de la semaine un peu particulier. Vous le savez, les fêtes, c'est les bêtisiers. Les bêtisiers de fin d'année. Ah, j'adore ça, moi. Et on en bouffe, on en bouffe. Et vous inquiétez pas, on a décortiqué ça et on vous servira un petit truc aux petits oignons et surtout notre marché de Noël. Alors, il faut qu'on vous résume. Qu'est-ce qui se passe ici devant les studios, Maëva? Ben, il y a plein de chalets, il y a plein, voilà, la bonne humeur, la fête de Noël. De l'alcool. Oui, oui, il faut souligner. Oui, hein, oui. Avec modération. Bien sûr. Mais bon, ah, on y croit. Ouais. On a évidemment la moitié de l'équipe qui n'écoute plus l'émission, hein, mais qui est partie vraiment sur le marché de Noël. Et je trouve ça sympa parce que ça instaure une espèce de convivialité dans cette émission. C'est pas faux. Tous ces chalets, toutes ces lumières. On a un envoyé spécial, il s'appelle Claude. Il sera sur place dans notre marché de Noël de la Trappe. Ça se passera dans quelques instants. Sacré bonhomme. Ton invité cette semaine sera qui? Diams. Ah. Le retour de Diams. Ah oui. Ah ouais, ça faisait longtemps, ouais. On a été la chercher loin, mais elle est revenue. T'as bien de la chance. Radio Fan Mignoul sera aussi là. Les pires Gugus de la bande FM seront là avec nous. Bref, c'est une soirée 5 étoiles qui vous attend sur une seule radio. KF qui vous offre aussi des entrées pour... Pour aller voir en avant-première le biopic de Whitney Houston. Houston, nous avons un problème. Mec. Alors, on vous en offre deux ce soir. Donc, comment faire pour s'inscrire? C'est simple, il faut envoyer le code CINÉ par SMS au 6007. C'est 1 euro par message envoyé et reçu. 20h, 22h, c'est la Trappe sur KIF. Et quoi t'as dit? Je dis, et je l'ai bien dit. Un petit SMS avec Aya Nakamura maintenant. Ouh, Pedro Sampaio sera là juste après. Et toutes vos séquences préférées sont là jusqu'à 22h en direct. Bienvenue dans quelques instants, vous allez avoir François Hollande dans une interview complètement truquée. On adore ça. Trois applis pratiques pour les fêtes, c'est le petit point de Maëva dans quelques instants, mais avant ça. La Trappe de 20h à 22h. Avec Jadoul sur KIF. Bonne nouvelle, on va faire un pour toi de la semaine spécial. Vous savez, c'est dans 3 jours Noël, et qui dit Noël à la télé dit... Bien sûr Patrick Sébastien comme d'habitude, hein. Bah oui. Kix. Oui. Ça fait au moins 5 ans qu'il ne travaille plus à la télé, Sébastien. Ah. Oui, mais bon, même malgré ça, ils remettent quand même des rediffusions et des trucs comme ça. Donc, non. Il est toujours à la télé. Non. Qui dit Noël dit bêtisier, évidemment. Je pense que t'es fan, Maëva, de bêtisier. Ouais, non, moi j'adore. Je demande à maman de tout enregistrer. Parce que j'ai... Ah, oui. Carrément. Ah oui, on les regarde et tout ça. On se fait des compiles de bêtisier. J'aime bien ça. Et vous comparez après, alors, sur TF1, il y a 10 minutes de moins. Ils font des cotes. L'extrait du singe qui pète, ils l'ont pas mis sur France 2. Ça, je le mets en 3ème position. Non, bah, alors voilà, les bêtisiers, évidemment, c'est chaque année un peu la même chose, il faut se le dire. Ils ressortent les mêmes extraits, et évidemment c'est des vieux sons, mais qui nous font toujours rire, c'est systématique. Alors on va faire un essaye de ne pas rire, spécial bêtisier. Eva, Kix, vous êtes prêts? Ça va être compliqué. On va écouter les extraits, et le but sera de... Ne pas rire. Ok, bon ça commence déjà mal, on rigole. Ça c'est normal, on est très content d'être là dans l'émission. Allez, on démarre avec le premier. En ce moment, depuis mardi dernier, jusqu'au 31 octobre, ce sera donc mardi prochain, se tient la 13e édition de Mon Premier Festival. Ça s'appelle comme ça, à partir de 2 ans, un festival à Paris, en partenariat avec plein de salles de cinéma, qui crée beaucoup d'activités pour les enfants. Des avant-premières, mais aussi des films de culte, Ça va. Celui-là, ça va. Est-ce que le sourire compte pour un rire? Non. Non, c'est un éclat de rire, il faut qu'on l'entende. Si on l'entend pas. D'accord, je vais rester bonnet. Ah, ça va, parce qu'on a tous les deux souris. Il y a un petit mort. Sourire. Bon, c'est pas grave, on passe au deuxième extrait. C'est à découvrir dans quelques instants, juste après la météo de Philippe Verdier. Merci de nous avoir suivis. Là c'est moi. Philippe Merdier, je m'y attendais pas. Troisième extrait. Pour ce qui est de la transmission, nous aussi, on s'en occupe. Toutes les étapes de cette recette sont à retrouver sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Il va fort là aussi. J'ai failli là, Jadoul. J'ai failli. Mais vous êtes fort, vous, hein? Ah ouais, ben on prend sur nous, hein, vraiment. Soit vous avez débranché vos casques, soit vraiment ils sont usés ces extraits. On continue. Les pires bêtisiers, est-ce que ça nous fait toujours rire? Réponse avec le quatrième extrait. Parce que mon mari, il n'est pas allé porter, toujours travailler au garçon. J'ai craqué. Je vous avoue, j'ai encore craqué. Mais je suis le pire. Ouais, c'est pas grave. Suivant. Ah, je suis bluffé. Vraiment, c'est magnifique. Qui est salaud? Il bougie. Ah, il y a un truc qui était... T'as encore perdu tes feuilles? Non, c'est 1000 bougies venaient après. Ça, c'est pas cool. Ah non, je suis bluffé, c'est magnifique, pardon. Même les bougies étaient... Attendez, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Énorme. Il a un problème avec les pages. Et donc, dès qu'il faut tourner la page pour continuer son texte, pour lui, c'était fini. King, c'est un craqué. Ça sent la moquerie. Ça sent la moquerie. Maëva, t'as failli. Oui, non. J'ai senti. Je lui attendais pas. Si, si, attendais pas. Il a rigolé. Bon, ça te fait quand même un mauvais point. On continue. Suivant extrait du bêtisier de TF1 rincé. Il y a davantage de postes à pourvoir que d'habitude et les congés de maladie ou les grossesses n'expliquent pas tout. Reportage de Marc Mellon. On a tous niqué, là. Je peux vous le dire. Mais on s'y attend pas, c'est ça qui est bien, je trouve. Les gros sexes. C'est tellement propre au début, puis après ça, ça... C'est ça. Oh là là. Oh, c'est fort, celui-là. Allez, on s'en fait un dernier. Oui. On s'en fait un petit dernier. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia, à 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Est-ce qu'on le compte, Kix a failli craquer? Je sais pas. Je me suis mordu les doigts, là. Allez, on va essayer encore un dernier. Anne Hidalgo lui a succédé, ainsi que le FN Florian Philippot. Ils étaient donc tous là pour déposer une gerbe pour le vice-président, pardon, du Front National. L'héritage du général appartient un peu à tout le monde. Écoutez. Vous avez tous craqué, vous avez de l'absus magnifique, quoi. Non, en plus, ils continuent. Une verge, une gerbe. C'est là qu'on voit qu'ils sont forts, quand même, TF1. Oh là là. Ils n'ont pas besoin de racheter des nouveaux bêtisiers, c'est les mêmes chaque année, ça fonctionne. 55 jours de confinement, et certains disent avoir finalement été heureux de se retrouver en famille ou en couple, d'autres à vous sortir d'un cauchemar. Et vous, qu'avez-vous appris sur vous-même? Qu'allez-vous changer? Nos équipes vous ont posé la question. Pardon. Bon, oui, ça va. Ça, c'est nous qu'on essaie d'être sérieux, ça. Il est sage. Allez, un dernier. Ça, c'est quand même assez drôle. C'est Jean-Michel collé à une fenêtre. La fenêtre du chalet. Jean-Michel qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques instants. C'est vrai. Oh là là, il nous a prévu quoi Jean-Michel cette semaine? On sait pas. Oh, des conneries comme d'habitude. Oh là là, Jean-Michel, c'est notre ivrogne qu'on aime beaucoup. Si, il a pas fait une chanson, un truc du style là? Oh là là, je sais pas. Il m'a envoyé un SMS, j'ai cru comprendre ça après. Ouais. Bah, en parlant de Jean-Michel. Ah oui. Il est content. J'avais jamais entendu votre rire. Moi non plus. Bon, on a tous craqué, c'est bon. Allez, c'est fait. Essayez de ne pas rire, c'est raté pour nous. 20h-22h, c'est la trappe sur Gaïef. Bienvenue, c'est la trappe que vous écoutez jusqu'à 22h. Le 20h-22h, c'est avec Janoul. Dans la trappe sur Gaïef. Ah, son petit spray pour la bouche. Oui, il faut savoir que Jadoul a mal la gorge. Oh, il est actuellement malade et il bosse quand même. Oui, ah, il faut oui, le souligner. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tantôt, il a vomi sur la console ici. C'est pas vrai. Ah, si que c'est vrai. Mais moi, quand je l'ai vu avec les sprays, je me suis dit, comment c'est un ASMR, on est où là? Ah non, mais pas. Là, ça fait, je sais pas pourquoi, je suis malade une fois par an, toujours à la même période. Et là, c'est maintenant. Et ça fait 2 semaines que je me traîne ce rhume. Alors, c'est bien, c'est évolutif, hein, c'est pas toujours pareil, mais là, je me suis réveillé. Alors, il faut que je vous raconte quand même cette anecdote. J'ai fait des hallucinations cette nuit. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai fait énormément de fièvre. Mais quand je dis énormément de fièvre, il faisait moins 12 dans la pièce et moi, ouais, j'étais à plus 40. Ah oui, carrément. Ok. Bref, j'ai rêvé que j'étais avec... C'est pas une blague, hein. La patronne de Radio Chevauchoir. Ok, oui, je vois le délire. Okay. C'est une obsession, là quand même. En train d'être sur un char d'assaut de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, avec un casque en métal. On devait se battre contre une autre radio. Ok. Et le problème, c'était que les chenilles du char étaient embourbées. On n'arrivait plus à avancer. Et Attends, c'est quoi le médicament que tu prends là pour la gorge? Qui s'est intéressé? Ouais, là, ça a l'air d'être très fort. Non, mais vraiment. Et donc, je me suis réveillé en mode ah non, je ne veux pas faire la gorge. Arrêtez, j'ai pas ma gourde. J'étais dans un autre monde. Il m'a fallu 30 minutes pour héberger. Mais vraiment. Hein, au final, t'as gagné ou t'as pas gagné? Donc, ça s'est passé comment? Je pense que j'ai été déclaré inapte à la guerre. D'accord. Parce que j'étais trop malade, même dans mon rêve. Ok. Bon bah, c'est bon à savoir. Ah non, mais c'est fou. Non, mais ces hallucinations que j'ai eues cette nuit, j'ai vraiment eu peur. Hein. Je me suis réveillé épuisé. Bah tiens, même là, rien que le fait que tu le dises, on a déjà peur. Hein. Ah bah oui, bah, ça, je peux comprendre. Bon, il est temps de revenir aux choses sérieuses. Oui. On va faire le top 5 des pires situations de Noël. Oui, chacun vit des Noëls un peu pourris, mais dites-vous qu'il y a toujours pire que le vôtre. On va faire un top 5 avec par exemple ce Noël-là. Aujourd'hui, mi-février, je rentre au bureau après 2 mois de télétravail pour découvrir un colis datant de Noël dans mon bureau. C'est un assortiment de fromage. Oui, sauf que deux mois plus tard, l'assortiment de fromage, le colis... C'est fromage champignon. Il marche tout petite seul, spécialité. En deux, aujourd'hui, je vois la décoration du balcon d'en face, dont un Père Noël suspendu. Il bouge à cause du vent. Le Père Noël est tombé. Ça aurait été drôle s'il n'avait pas atterri sur le pare-brise de ma voiture. Oh putain. Oh, j'aimerais tellement pas être la personne à qui apporter la voiture. En trois, aujourd'hui... Grâce à ses étrennes, mon fils de 2 ans a plus d'argent que moi sur son compte bancaire. Ah, c'est tellement vrai en plus. Ça, c'est vrai. Quand t'es parent et que tu vois le compte de ton fils, tu vois ton propre compte, des fois tu fais ah, moi j'aimerais bien avoir papy et mamie qui me rince. Hein. En numéro 4 aujourd'hui et jusqu'à Noël, je suis seul. Ma moitié part rejoindre ses enfants et son ex-mari. C'est un fait réel ou c'est... Tout ça, c'est des vraies histoires. Non, mais histoires, je veux dire, hein. ça vient de ta vie ou ah, c'est... Non, d'accord. C'est des histoires okay. de gens. C'est pas un témoignage personnel, ok. Non, moi, je fais déjà des rêves chelous, on va pas... Ah, c'est vrai, on va pas aller trop loin. Et en numéro 5 de ce top 5 des pires Noël, aujourd'hui, à quelques heures de Noël, mon chien vient de pisser dans la caisse où j'entrepose tous les cadeaux que je prévoyais d'offrir ce soir. Horrible. Et joyeux Noël. Oh la vache. Ah, c'est sympa. Alors, oui, bah, je t'ai offert un petit cadeau. En plus, c'est même pas rattrapable. Enfin, tu sais pas nettoyer, tu sais rien faire. Enfin, ah, ça c'est dépend, mort. C'est quoi le cadeau. Il faut que t'aies un peu d'emballage de réserve ou je sais pas. Mais si ça a transpercé, genre oh là c'est là. Un plaid, t'imagines. Oh, oh non, il faut aller le laver et tout. Est-ce que toi, Kix, t'as eu un Noël pourri? Oui. En fait, une fois, on avait été chez un ami. Et il avait reçu une bouteille de champagne d'un autre ami, en fait, du père d'un autre ami. Et cette bouteille coûtait quand même assez cher, il faut le dire. Et on a voulu fêter ça ensemble, donc on a ouvert la bouteille. Et là, il y a un de ses potes-là qui commence à boire le champagne. Et là, il fait « Oh, le champagne de ton père, il est tellement... » Puis là, t'entends... Le gars, il a vomi directement le champagne. Ah, génial. Ça, oui, c'est magnifique. Maëva, il t'est arrivé à une galère à Noël, toi? Bah non, je te jure, je réfléchis, mais non c'est magique, c'est Noël. Ouais, ça, non. C'est bien. Enfin, une personne saine et normale. Chez elle, il y a carrément le Père Noël qui vient, qui s'incruste, ils mangent ensemble. Ouais, il est à table avec vous, non? Non, quand même pas. Oh. Il prépare le repas. Vous savez quoi? C'était tellement bon, ce top 5. Je pense qu'on va en faire un autre d'ici la fin de l'émission. Oh, yes. Ça vous tente? Ah oui, ben, bien sûr. Allez, on va faire ça. Merci. Et puis Maëva va nous faire la minute tactile d'ici quelques instants. Tu vas nous parler de quoi? Des applications qu'il faut avoir pour passer un bon Noël, pour aider. Ça va être bon. Ça va être on sympa. Va prendre note. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. Tout de suite, on écoute Régine. Non, je déconne, ça va. T'es capable, bien sûr. D'ailleurs, le jeu des pires reprises arrive avant 22h, le Blindclet. On en fait encore très fort cette semaine. Voici Alonso. Ce soir, c'est Jadoul qui pilote. Oh là là, peut-être pas, non. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Parlons sérieux 2 minutes, c'est l'heure de notre minute tactile et c'est Maëva qui reprend les rênes de cette séquence. Oh, je suis impatient. Tu nous as promis que tu allais nous parler d'applications pratiques pour les fêtes. Mais oui, des applications pour préparer les fêtes de Noël. Les, parce que y a le réveillon, le jour de Noël. Ouais, c'est vrai. Puis vous aussi, vous le faites encore après, jusqu'au 27. Jusqu'au 27, on fait Noël. Nous, jusqu'à février, carrément. Ouais. Avec Kix, on le continue un peu plus longtemps, parce qu'à partir de janvier, il y a son anniversaire. Ouais. Et puis, bref. On le fait toute l'année, puis il y a la trappe et tout. Donc. Ah, nous, on n'a jamais rangé le sapin. Hein. Mais du coup, voilà, des applications pour vous aider. J'en ai 3. On est 3. La première, c'est Santa Radio. Oh. Voilà. Santa Radio, Alors, c'est la radio, c'est une radio, mais du Père Noël. Donc, c'est que des musiques de Noël. C'est bien. C'est super, on fait la pub de nos concurrents. On va s'abonner. Oups. Mais c'est que des musiques de Noël. C'est pas vraiment une radio, hein, c'est une application. Et je sais pas si vous avez déjà demandé, vous, d'être le DJ à la soirée de Noël, mais c'est chiant, faut aller changer, faut préparer les playlists, etc. Ah ouais, non. Là, vous mettez sur l'application. Donc, ça veut dire qu'il y a que des musiques de Noël. C'est ça. Genre ça. Danser autour du vert sapin en se frappant dans les mains. J'adore. Mais celle-là, je l'ai jamais entendue. C'est mais... Oh bah attends, j'en ai d'autres. Je ne crois plus au Père Noël. Les Coluches. Les Coluches, bien sûr. C'est Noël. Le temps des cadeaux. j'en ai 12 pages de son. Moi, je peux te faire la soirée. Hein. Bah ok, on note l'application. Là, tu l'as perdu là. Oui, c'est ça. Ah, mais du coup, tu pourrais ouvrir ta propre application si tu veux. Oui, attends, Kix, s'il te plaît. Tu réserves les droits et on va développer ça quand on rentre au bureau. Voilà, merci. Voilà. Tu déposes un nom, attends, c'est quoi le nom de ton application, toi ? Santa Radio. Bah, on va appeler ça Radio Santa. Allez, ok, ça marche. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi Christmas Radio, Radio Noël. Ah oui, il y a des concurrents. Donc, déjà. Ouais, il y a déjà des concurrents. Oh là donc, tu peux. Lâche-toi. Attendez, je vais juste les jeter dans la trappe. Voilà. Santa Jadoul Christmas. Voilà, c'est bien ça. On réserve. Ça allez, on garde. Parfait. Suivante application. Youmiam, c'est pour le repas de Noël là. Mmh. Parce que c'est quand même la galère. Hein. Déjà, faut trouver l'idée, ouais. Puis après les courses, etc. Là, il y a tout qui est pensé en fait. Donc déjà, il y a la recette, donc plein okay. d'idées. Et puis la recette, elle est facile parce que il y a des petites vidéos, les minuteurs, etc. Okay. Ce qui est pas mal parce que parfois il y a des termes techniques. Enfin, moi, je m'y connais pas en cuisine et genre pocher un œuf, je le mets dans ma poche. Bien là, sûr. Il t'explique tout, il te montre tout en vidéo. Voilà, t'es pas obligé d'avoir du sang de Philippe Etchebest pour t'en sortir. Ensemble. Et aussi, ça génère automatiquement la liste des courses. Ah, c'est bien. Oui, ça, c'est t'es pratique. Pas obligé de calculer que si je fais x2, x4 divisé par 2, il me faut un demi céleri. Non, là, il te dit tout exactement, les quantités. Ça, c'est génial. T'as ta liste et tu peux directement aller. Voilà. Donc, enfin, l'occasion pour des gros boomers comme moi et Kix de faire un Noël parfait. C'est ça. Oh là là. Fini les Haïki. Fini les saucisses douanes. Fini Uncle Ben's. Fini les sandwichs préparés chez Carrefour. Merci beaucoup Maëva. Et du coup la dernière, celle-là elle est un peu, enfin moi j'adore, mais bon, c'est PNP, Père Noël portable. En fait c'est pour recevoir un appel du Père Noël, un Skype en fait un peu. Ah ouais. Mais oui, en fait bon, normalement ils disent que c'est pour les enfants, mais enfin je vois pas pourquoi ce serait que mais pour les enfants. Mais je suis abonné et je l'appelle voilà. tous les jours. Non mais tu commences sur l'application, tu mets des infos, l'âge, le nom de l'enfant, j'adore. Et puis ça fait comme si ça t'appelait et je sais pas, c'est oui t'as le Père Noël, c'est pas un dessin animé, t'as vraiment le Père Noël qui te parle, qui okay, te. Ok, c'est sympa. Une petite conversation avec lui, donc voilà, s'il y a des enfants dans la famille. Oh, c'est mignon. Et ça s'appelle donc PNP, Père Noël portable. PNP Paribas Fortis. Mais c'est pas payant, c'est gratuit. Alors non, les trois sont gratuites sur Android, sur iOS, sur Google, voilà, toutes Google les... Google Earth. Parfait. Voilà. Parfait. Google, t'as rien compris. Et bah, tu sais quoi, moi, je pense que j'ai été intéressé par au moins les trois applications. Donc franchement... Merci. Elle a tapé dans le mille, bravo. Tu sais ce que t'as mérité ? T'as mérité un petit coup de... C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Vous connaissez la version de Clara Luciani ? Pas du tout. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Voici DJ Mams. Oh là là, qui se descend de la table, là c'est plus possible. J'adore ce soir. Ouais, c'est énorme. Ça. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Et on a un cadeau pour vous. Et c'est quoi ça, Kix ? Eh ben mercredi, c'est la sortie du biopic de Whitney aujourd'hui. Houston. Aujourd'hui, mercredi, oui. Bien vu. Et donc, bien sûr, il y a des places à gagner avant 22h. C'est des places de ciné, donc vous envoyez par SMS ciné en majuscule. C'est au 60-07. Tout simple. Donc vous envoyez ciné au 60-07. C'est 1€ par message envoyé et reçu. Et parfait. On fait gagner une fois 2 entrées. Nickel. Et on, oui, c'est magnifique. Dans l'émission. Hein. C'est ça, dans la trappe. C'est là maintenant. C'est-à-dire dans moins d'une heure trente, vous repartez avec vos entrées pour aller voir. Ça s'appelle comment ? I Wanna Dance With Somebody. Ouais, voilà, fais-le en chantant maintenant. Je l'ai même pas en tête. Ah, c'est celle-là, ok. Bah oui. Whitney Houston. Ouais, celle que tu connaissais pas il y a 20 minutes. Monsieur, la connaissais. La Houston. Whitney Houston. Bravo. Oh là là, on a oublié quelqu'un. Ah oui. Il est devant les studios, il est dans notre marché de Noël. Bon, ça va, il fait pas trop froid aujourd'hui, il fait relativement doux. Il est l'heure de se connecter à Claude. Ça y est, Claude, notre envoyé spécial des fêtes, il est sur le marché de Noël de La Trappe. Claude, vous m'entendez ? Yo les cocos, y a votre pote ici, Jean-Michel. Attendez, notre Jean-Michel, le Jean-Michel national de l'émission. Oui, celui qui picole comme un trou qui a des chemises pleines de taches, quoi. Il a un nez tellement rouge que j'ai l'impression d'être encore endormi à mon volant à un feu rouge. Puis il y a une dame qui le suit tout le temps avec un accordéon, mais je comprends rien. Attendez, oui, c'est bien lui, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il est au stand de vin chaud, de bière spéciale? Non, attendez, c'est un champion, hein, il a ouvert son propre stand. Hein. Quoi? Attendez, Jean-Michel a ouvert un stand? C'est une actualité, attendez. Jean-Michel a ouvert un stand? Tu parles pas français ou quoi? Dis, tu sais assimiler les infos quand on te les donne, toi? Je dois parler plus fort ici. Non, non. Jaloule de la trappe, c'est mardi. C'est bon. C'est bon, Claude. Vous avez fini vos conneries? Bon, alors, c'est bon. Passez-moi Jean-Michel, justement, s'il est là, allez-y, passez-le. Oui. Mais qui c'est? C'est Jadoul. Oh, Jadoul. La la la la la. Vous allez bien? Oh oui, très bien, même mon doudou, et toi? Ça va. Claude nous a dit que vous aviez ouvert un stand, on trouve quoi dans votre bon chalet? Oh bah de la bonne bière, hein. Alors, je trouvais que ça manquait d'un peu de belgitude par ici, hein. Ah, donc c'est simple, je brasse mon breuvage et je l'écoule sur place. Et je l'ai nommé, la Brasse Bonson. Oh, c'est malin ça. Ah, c'est une bonne idée ça, Jean-Michel. Tu mets deux perfusions, ton truc s'il te plaît. Et de la mayo, merci bien. Mais gars, ça manque un peu de moule frite aussi, hein. Oh oui, la baraque à frites de Claude. On va tout déchirer, Jean-Mi. Dans ma baraque, il y aura frites à volonté, des burgers qui dégueulent de sauce barbecue, des soldats qui t'explosent le bide tellement il y a des bulles. Et pour mettre un peu d'ambiance, j'inviterai bien deux, trois poulettes habillées en mère Noël qui danseront avec des cotillons et des feux d'artifice ici. Et moi, j'enverrai des serpentins avec mes narines. La maison du Père Noël à côté de nous, c'est de la piste de chat, hein. Disneyland pourra fermer après ça. Une petite bite Mickey. Ah non, arrêtez. Hey, quand t'as envie de la mère Noël, tu me préviens, Claude. Oui, t'inquiète, Jean-Mi, pour le réveillon, t'as prévu de faire quoi, toi? Oh bah, maman Nick veut faire une raclette avec toute la famille, mais bon, si c'est comme l'année passée, elle va commettre le feu, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu, la vieille? Bah, c'est simple, sa perruque s'est attachée aux résistances. J'avais pourtant bien dit d'arrêter de mettre des coupes mulets. Ben non, dis, ça a l'air formidable chez vous, y a moyen de m'incruster ou pas? Bah, comme je dis, moi, vaut mieux boire à deux qu'être mal accompagné, hein. Bon, c'est bon, Claude, Jean-Michel, on oui. Vous dérange pas, je vous rappelle qu'on est quand même en direct. Oh, Jadoul, tu fais chier. Bien de le dire, c'est bien de le dire. Ouais. Reviens, je t'offre une tournée, Jean-Jean. Oui, après l'émission. Trop faux, moi je vais déjà aller boire pour toi, mon gros. Tip top, hein, on t'attend, hein. Allez, santé, Jadoul. Ouais, je sais plus quoi faire de deux, là. Maëva, on fait quoi de deux? Mais quelle idée de les avoir rassemblés aussi. Mais c'est pas leur faute, ils se sont croisés sur le marché. Croisés, ouais, c'est tellement petit, entre guillemets. Jean-Michel, on vous recroise dans quelques instants, on va passer au crypto troquet. Ouais, ça marche, je rebois encore vite une tournée. Mais tu reviens, hein. Non, vous ne buvez plus. Oui, bon, allez, c'est pas grave. On va tantôt, hein. Ouais, à tantôt, gros bisous Jean-Michel. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Oh là là, franchement, je sais pas comment on va finir cette émission. On sait comment elle démarre, mais on sait jamais comment ça finit. Voici Damso, nouveauté, cœur de pirate. Trop bien, Diam, ce sera ton invité dans quelques instants. Kix, ça va être la folie avec aussi le crypto troquet Jean-Michel qui arrive. On va parler de drones aussi. Ça va être. Par contre, le Père Noël, tu me le fais plus, hein, s'il te plaît. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah oui ? Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ah ben bien sûr ! Prenez garde, c'est l'heure de notre interview. Version combinée, ce qui donne une interview complètement truquée. On prend les vraies réponses des intervenants de Combini, mais on essaye d'être un peu plus drôle avec des questions loufoques. Oh là là, c'est un lancement ringard de bêtises de TF1. Alors, c'est de la gaudriole, c'est décalé, c'est gueudin comme truc. Ouais, faut que ça swing. Non mais en gros, le moins drôle d'entre nous se prendra un petit coup de... Combiné. Comme ça, voilà. Ça calme tout le monde. Ah oui, voilà. Surtout ça, juste derrière l'oreille là, ça picote. Ça fait bien mal. Et oui. Et cette semaine, on joue avec François Hollande. Mais oui. À l'âge de 11-12 ans, on voulait fumer. Non, Monsieur Hollande. Génial. Non. Certains ont fumé toute leur vie. Oui, mais non, on n'est pas là pour parler de ça. Je pense que on en trouve dans toutes les catégories de la société. Oh là, il est complètement fou. Oui. Ouais, il me semblait bien. François Hollande, justement, voici la première question qu'on a à lui poser. Que pensez-vous des lancers de nains? Je n'y suis pas favorable. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Et borderline, ah, celle-là. Très borderline. Mais ça existe en plus. Mais pour être dans le thème, hein, que pensez-vous de, les cadeaux de Noël? Ouais. Je n'y suis pas favorable. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Maëva ? Mais ça collait au thème. Mais oui, mais non, mais j'essaye de coller au thème de l'émission et je me prends un coup de combiné. Il frappe une fille, hein. Nous sommes tous témoins. Ah, c'est pas moi, c'est pas c'était moi. C'était le combiné. C'était le combiné. Ça va, ça va. Moi j'avais. Il est parti tout seul. Faire l'amour à un ventilateur. Je n'y suis pas favorable. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Ça faisait partie des rêves, c'est ça de... Ah, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait cette nuit. Deuxième question, Maëva. Les cours d'anglais. Moi, je me suis vite arrêté. Ah, ouais, alors, il faut connaître la blague, hein. Oui, can do the proud voilà. of you. Ah oui, juste la vidéo qui, bah okay. oui, bah oui. qui tourne sur lui où il sait pas parler en anglais. Oui. Jean-Michel en est à son deuxième mètre 50 de bière. Moi, je me suis vite arrêté. Oui, c'est vrai. Bon, kick, c'est rien, toi. Non. Hop, hey, tac. Ouais, c'est réglé. Troisième question. Alors, tu connais des gens qui aiment les harengs, toi ? On a tous des autour de nous, dans nos propres familles, des consommateurs. Oui. Oui. Quoi, il y a vraiment des gens qui aiment le harangue, non mais sérieusement. Moi j'avais des nouvelles d'esprit aphrodisiaque que Jadoul prend dans l'émission. On a tous des autour de nous, dans nos propres familles, des consommateurs. Ah bah oui. Quatrième question, Mariva. La quatrième, ouais. Le dernier album de Dave. On peut pas tout accepter sous prétexte que ça vient de Hollande. Ah, ah c'est drôle. C'est pas faux. Ah c'est fort. Je pense que là elle va gagner avec ça, Kix. C'est vrai. Mais je ne l'ai pas celui-là. Hein. Évidemment. Bye. Ah, écoute tous. Faire un go fast avec un coffre rempli de bœufs. On peut pas tout accepter sous prétexte que ça vient de Hollande. Oh ça va, on rigole. Elle était facile, elle oui, était facile. C'est facile, c'est facile. Oui c'est vrai qu'on peut pas dire ça. Il y a un moment, faut prendre une décision. Oui, arrêtez la séquence peut-être. dans quelques minutes, on va retrouver aussi la mise à jour. On va parler du futur réseau social créé par des anciens Twitter. Oh. On va refaire un tour sur le marché de Noël et on aura aussi notre blanket qui arrive. C'est les pires reprises de TikTok. Tout ça, ça se passe dans la trappe et on est jusqu'à 22h. Avec vous en direct. Vous bougez pas, on revient juste après ça. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Nous vivons une époque où le stress et le burn-out sont légion. Si votre avenir vous semble sombre, incertain, peut-être avez-vous simplement besoin de cheval de trait qui vous permettront de prendre en main votre futur sous le pseudo Nanou. Une coaching guidance par les sanitaires qui vous prêtera une oreille attentive en valorisant vos espaces verts pour cerner votre mal-être actuel et vous orienter vers un mieux vivre. Nanou, sur rendez-vous au 0473 576 22 20 576 81 091. Également possibilité de se déplacer. À bientôt. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Bienvenue, bonjour. Merry Christmas. Bonsoir. Urban Music non-stop, c'est bien. Les délires de la trappe en plus, c'est mieux. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Oui, merci. Un numéro de téléphone pour joindre l'émission. Le 02 315 1015. Vous laissez vos messages vocaux sur le WhatsApp ou alors un petit coucou simplement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en écoutant la radio là ce soir? Vous êtes peut-être en train de courir partout après le dernier cadeau de Noël qui vous manque au pied du sapin. C'est vous vrai. Êtes peut-être simplement en train de voler un sapin dans la rue. Vous devez réfléchir pour des cadeaux. Vous n'en avez pas. C'est aussi donc là, possible. C'est peut-être un peu tard. Hein. Ouais. Enfin. Moi, c'est simple. J'ai des cadeaux pour personne. Ouais. Et personne ne m'en fait. Moi aussi, pourtant, je suis censé en offrir. Hein. Là, tu vas pas faire de cadeaux à personne? Non. Non, non, non, non. Par contre, je vais recevoir. Mais tu fais pas le sapin, tu fais pas de cadeaux, t'es vraiment le Grinch, c'est pas possible. Oui, c'est ça, voilà. Non, il est patron, c'est différent. C'est ça la différence entre un employé et un patron. Bah, tu devrais être content. Il y aura peut-être un cadeau de fin d'année dans l'entreprise. Ah non, justement, c'est l'employé qui fait un cadeau au patron, là, pour le coup. Ouais, non, non, non, mais peut-être que l'entreprise va prévoir un cadeau pour ses employés. Ah, je n'y crois pas. Ouais, bon, on verra. Pour les résolutions du nouvel an, mais. On verra, on verra. Qui sait. Bon, maintenant je suis dans la merde, je dois trouver un truc, ou un chèque cadeau, ou un truc à offrir. On va vous parler maintenant de TikTok versus YouTube, c'est notre séquence. Ok, boomer. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas les on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les on n'a pas les mêmes voix, on n'a pas les on n'a pas les mêmes choix. Ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on va opposer deux teams là maintenant. Il y a la team TikTok représentée par Maëva. Oui. Et on a la team YouTube représentée par Kix. Ouais. Et là, c'est un dilemme un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer. En gros, TikTok va tester les vidéos horizontales pour concurrencer YouTube. En gros, ça va intensifier la bataille YouTube-TikTok. En gros, ils vont faire des vidéos au format, vous savez, plein écran, pas en format vertical. C'est une honte. Ils ont non seulement passé la durée maximum de leurs vidéos sur TikTok à 10 minutes maintenant, ouais. Donc tu peux uploader des gros contenus, et en plus de ça, maintenant tu pourras les regarder dans un format plein écran, donc à la limite, bientôt TikTok sera sur ta télé dans ton salon, comme les YouTube. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? En tout cas, l'application chinoise va mettre ça en place dans les prochains mois. Et YouTube, sur ce temps, continue d'exploiter son investissement dans le YouTube Short. Vous savez, c'est un TikTok version YouTube, où vous avez 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, alors que TikTok n'en a que 1 milliard tout rond. Ouais. Donc, YouTube a toujours son avance, mais peut-être que TikTok va les devancer. Pourquoi heureusement? Moi, je sais pas, je trouve que... Enfin, c'est, déjà, c'est deux mondes différents. Et personnellement, je trouve ça un petit peu bête que TikTok essaie de ressembler à YouTube, parce que pour moi, ça devrait être deux trucs complètement différents. C'est un peu comme tous les autres réseaux sociaux en fait. Regarde Snapchat. Ils essaient de se. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, ils sont complètement paumés par rapport au but original. C'est ça. Ah, c'est dommage. Tout le monde essaie de se ressembler, c'est un petit peu ennuyant. Moi, je regrette le vrai Snap de l'époque en 2015. Où t'envoyais des nudes et tout. Ouais, c'est ça. Que c'était pas en public, quoi. Oh, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, ça a réveillé mon compte Snap. Arrêtez, vous me faites passer pour quoi? Bande de dégueulasses. Arrobase Jajadoul, c'est ça? Arrête! Arrête, je vais recevoir des trucs après. C'est après tu gères. Hein. Team TikTok, team YouTube, Maëva? Bah, de base, moi, je passe beaucoup plus de temps sur TikTok. Et justement, parce que ça dure pas longtemps, c'est quoi ça? Ça va passer à 10 minutes? Oui, donc on pourra avoir des vidéos de 6 minutes, 9 minutes. Non, ce qui est bien, c'est que ça va vite, que ça bouge vite. Et puis le truc horizontal, non, je suis pas d'accord. Je vais le réécrire. Tu te vois avec TikTok, mais de l'autre sens, à deux mains. Non, mais pour ça, je vais sur YouTube, tu vois, c'est deux choses différentes. On est d'accord. Voilà. Oh là là, oh, ouais, c'est beau quand on est d'accord. Oh, j'aime ça. Venez, faites-moi un bisou aux mains. Jean-Michel sera là dans quelques instants dans l'émission. On va se connecter à son crypto troquet. On va refaire un petit top 5 des pires Noël. Et on va se connecter aussi à Radio Falminioul. Tout ça, ça se passe après ton invité, Kix. Oui, Diams. Maëva, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que j'adore cette séquence maintenant qui arrive? J'ai déjà peur de ce qu'il va. Est-ce que c'est comique? Non. Parce qu'il y a quand même de fortes chances que Kix se plante. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Mais du coup, ce sera comique. Oui. Non, moi j'étais bon, hein. Dans le texte j'étais bon. Alors il me manque une feuille. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On s'en lasse pas de ce truc. Ça, là, ça va. Il y en aura d'autres, hein. T'inquiète, il y en aura d'autres, hein. Ça va venir. C'est aujourd'hui d'ailleurs encore. Maëva, tu notes les heures où il fait des bafouilles, hein, qu'on fasse des nouveaux jingles. J'ai pris mon Big Sale. On va m'appeler Laurent Bafouille. T'as ton agrafeuse pour que les feuilles ne se mélangent pas. Oui. Allez, j'ai attaché ma langue. Ah, c'est pas évident par contre. Bois un petit coup d'eau et on y va. Hein. Ça marche. C'est parti. Le FaceTime cette semaine, on va se connecter encore à une personnalité qui est avec nous en exclusivité dans la trappe. Et cette semaine, Kix, on a qui? On a Diams. Oh là là. C'est salut bien. Diams, comment tu vas? Ça a été la reprise avec ton nouvel album et le boulot, ça dit quoi? Je manque de repères en ce monde et je me perds dans ce long chemin qui me fera sortir de l'ombre. Attends, tu peux pas dire à ta pote qu'elle se taise là, parce que vraiment on comprend rien du tout. Enfin bref, dis, tu es encore en dépression, toi c'est pas possible. Cherche pas, je crois que ça, c'est dans les gènes. Mais bon, d'accord, mais faut profiter de la vie aussi. Qu'est-ce qui fait que toi ou ta famille soyez toujours dans cette négativité, dans ce mal-être quotidien? Chacun ses raisons. Ok, mais quoi exactement? Je pourrais peut-être t'aider si tu m'en parles un peu plus. Enfin, après je promets rien. Depuis tout petit, on rêve de grandir ailleurs d'ici. On rêve d'un empire, d'ailleurs, si possible, avec piscine. Ah, ça, c'est vrai. Ça n'empêche, c'est pas faux. Après, moi aussi, il faut que je te dise que c'est comme un jeu, en gros. Et si tu veux réussir, bah, faut gagner, c'est comme ça. Si c'est un jeu joué sans moi, ouais. Non, justement, tu dois y participer pour y réussir dans la vie. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Efface mon nom du tournoi. Diams, c'était une bête comparaison. Il n'y a pas réellement de jeu ni de tournoi. Bref, pas de comparaison. Oui, si tu veux, j'en ferai plus, si ça peut te faire plaisir. Bon, tu comptes faire quoi du coup, si tu ne te plais pas ici? Moi, je veux bouger. Ah voilà, c'est chouette ça. Pourquoi ne pas faire une croisière sur un bateau? J'ai le mal de mer. C'est pas possible, t'as tout le temps quelque chose à dire. Tu pourrais peut-être faire le tour du monde alors, mais sans prendre de bateau, tout simplement. Mais pour ça, faut des sous. Oui, d'accord, mais bon, Faut savoir ce que tu veux aussi, tu n'es pas obligé de dépenser beaucoup. Au pire, en fin de mois, tu auras sûrement une prime et tu pourras en profiter. Donc attends donc. Oui, enfin toi tu attends, moi j'ai pas besoin d'attendre. Et ensuite, bah tu feras comme on a dit. Je démissionne. Non, ah, oh, mais c'est pas possible, elle comprend pas, c'est pas possible. Non, tu partiras voyager ou alors tu réaliseras ton rêve. J'en ai rêvé de ma maison avec vue sur la mer. Oui, bah voilà, voilà, c'est bien ça. Allez, je vais te laisser maintenant. Garde le moral, je crois en toi et ne lâche surtout rien. Yeah. Par contre, ta pote vraiment insupportable, j'en peux plus. Oui, bah, oui, c'est bon, ça va, on a compris, c'est bon. Être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas, toi et moi, c'est pas une mauvaise idée. Être là-bas. Bah, tu sais quoi? Dépression totale. Masterclass. Vraiment, je l'ai. Ça a été. Bon, j'ai semi-bafouillé. Il y a un moment donné, là. J'ai les mots qui ont fait blablabla. Mais non mais bravo, je pense qu'on peut inscrire ce FaceTime dans les FaceTime réussis. Merci. Ça veut dire que j'en aurai deux sur l'année. Si un jour on craque et on ne vient pas et on ne fait pas l'émission et qu'on est en best-of, okay, on pourra mettre ta séquence magnifique dans le best-of. Allez, magnifique, on note. Merci, c'est émission du 21 décembre. FaceTime première réussite. Réussi. Dans quelques instants, on va avoir le droit à notre secret de chien. Oui, c'est le certifié de la semaine. Ah, okay. Vous n'êtes pas prêts. Secret et on aura aussi Radio Falminou qui arrive. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Olé! C'est avec Jadol la guitare. Oh là! Bon. C'est Jadol qui pilote. Des cadeaux pour vous aujourd'hui. Évidemment. Oh là là, évidemment. Je l'attendais, merci. Enfin, avec quelqu'un plaisir. Qui suit. Maëva, qu'est-ce qu'on offre? Des deux entrées pour aller voir le biopic de Whitney Houston qui sort aujourd'hui. Trop bien. Et comment on fait? Eh ben alors, il faut envoyer un SMS ciné au 6007. Ciné au 6007, on vous appelle avant 22h. Oh là, ça redémarre là. Deuxième heure. Merry Christmas. C'est la trappe. Énorme. Ce soir, c'est Jadol qui pilote. Let's go. Dès 20h, c'est Jadol sur KIF. On s'est toujours pas calmé sur les cloches, ça fait plaisir. Même nous, on en fait partie. Ah bah, nous, on est des grosses cloches, hein. Faut pas croire. Trois cloches. Et tu sais quoi, en janvier, ça va nous manquer ces cloches. J'ai vu Maëva qui m'a mal regardé quand il dit trois cloches. Alors que tu te considères, voilà. Que quand tu considères, pardon, Jadoul, c'est une chose. Je vais moi... rester sur deux cloches, c'est bon. Dans ces cas-là, Kix. Oui, c'est vrai. Je ne dirais plus rien. Il me semblait bien. Non. Oh, ça va, on te traumatise pas, Maëva? Non, pas du tout. Non, moi, je suis bien. Elle n'est pas du genre à se laisser faire, vous savez. On va se faire casser la gueule en sortant. Mais... Ah bah, on ne sort jamais dans le noir avec elle. On a peur. On a des gardes du corps carrément. C'est vrai que la semaine dernière, elle a retroussé ses manches. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que le spray de Jadoul, en fait, c'est pour mettre dans les yeux. Ouais, ouais, ouais. Maëva, c'est une bombe de sécurité. Regarde-moi, regarde-moi. C'est de pire en pire cette émission. Ah là là. Dans quelques instants. Mais c'était jamais que la deuxième partie en plus. Ça y est, on perd Jadoul là. On le perd les gars. C'est bon, on va réussir, Quelle idée de se mettre du spray au poivre dans la gorge aussi. Ouais. En plein direct surtout. Ah, je suis toujours rincé par mon microbe là. Rincé, je sais pas c'est ce que j'ai. Ouais, bon, bref. On va voir Radio Falminoul qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous savez, l'électricité coûte cher, ils ont plus d'émetteurs, donc on leur prête un petit peu de notre antenne. C'est normal, on est solidaires. On va voir le top 5 des pires situations de Noël. Le crypto tronquet de Jean-Michel sera aussi là. Et on va parler de drones. Ça va être aussi incroyable. Le marché de Noël réouvrira ses portes dans quelques instants. Toujours avec Claude, notre envoyé spécial. J'espère qu'il s'est pas trop torché la gueule entre temps. Parce que ça. Bah, surtout qu'il est avec Jean-Michel. Enfin, en tout cas, tantôt il y était. Moi, ça me fait flipper. Ça va, Maëva, la semaine a été bonne? Oui. Oui, non, très bien, très en bien. En congé, là, ou pas? Oui, ça y est. Ah, c'est bon, ça. C'est où les... Attends, le truc Ah mince, là où tu vis, c'est... Ah non, non, non, non, où je vis, d'où je viens, cul des sars, cul des sars. Cul des sars, cul des sars, bah oui. Tout se passe bien, cul des sars. Cul des sars, cul des sars. Alors mets-toi ton cul des sars, cul des sars. Et je te propose qu'on contacte l'office du tourisme de cul des sars pour leur proposer cette musique. Je t'en prie, je t'en prie. En version remix. Je suis pas sûr qu'il y ait une office du tourisme à cul des sars. Ah carrément. Ah mais non, il y a plus de vaches que d'habitants là-bas. Hein. Mais ça c'est les vrais villages. La commune c'est un chapiteau, tu sais. Ouais non mais c'est énorme. Bon bah tu sais quoi, rien que pour ça, on embrasse tous les cul des sarrois. Ouais, Fudé certain. Ouais. Fudé Sarr. Mais j'ai oublié. Enfin, on les embrasse. Mais tu viens de là-bas, fais un effort. Fudé Sarr, toi. Oui, oui, Sarr, toi. Oui. Oh là là. Oh, ça va. Tant pis, on l'a pas. C'est pas grave. Je vous propose qu'on fasse un petit tour sur TikTok. Justement, tu l'as peut-être croisé cette vidéo, Maëva. C'est un mec, il s'appelle Laurence, il vient de Charleroi et il a une passion, c'est filmer le chien de sa femme. Ah ouais. Vous savez, c'est ces espèces de petits chiens qui font beaucoup de bruit. Ah, quelle horreur. Un chihuahua, un espèce de chihuahua, okay. Ou un loulou de Poméranie, enfin bref. Ah, quoi, quoi? Un loulou de Poméranie, quoi? C'est pas un gel douche. Ah, un loulou de Poméranie. Mais recherche, au lieu de te foutre de ma gueule. C'est le surnom de mon chien. Mais non, c'est allez, vrai. Tape sur Google, loulou de Poméranie, vous allez voir, ça existe. Ou alors j'ai inversé trois lettres, mais c'est, de... c'est un bazar comme ça. Bon, tu vois. Non, parce que mon PC veut pas se déverrouiller déjà de base. Oh là là, mais oui, mais toi aussi, tu fais rien, t'es vraiment. Complotiste, hein? Loulou de Poméranie, bah c'est ah vrai. Oui, c'est alors déjà quand je tape. Ah oui, c'est okay. Les trucs qu'on dirait des petites mignon. Boules de poils, oui. Tout fluffy là. Oui, c'est ça, c'est voilà. Oui. Ah. Ok. Vous m'avez pris pour un teubé, ça fait plaisir. Loulou bon. De Poméranie. Bah tu vois, on apprend des choses ici, tu vois. On en revient à notre sujet. C'est dingue. Oui, vas-y. Ah, merci. Donc c'est le secret d'un chien sur TikTok. On l'écoute. Maintenant, j'ai enfin compris comment ça se faisait que le chien de ma femme était toujours aussi nerveux. Et courait toujours dans tous les sens et cassait les pieds aux gens. Ah. Tous les soirs, voilà, dans la bête, dans la bestiole. Hein. Il est branché, le petit con. Elle branche son chien en USB. Maintenant, j'ai compris. Pourquoi il nous fait chier tout le temps, ce chien? Voilà. Il s'est vraiment lâché, je pense qu'il en peut plus de ce chien. Mais c'est vrai que moi j'ai un problème avec les bulldogs. Ok, moi je trouve que c'est. Je suis désolé, j'espère que t'as pas de bulldog. Non, c'est autre chose, mais vous l'avez critiqué juste avant. Ah, c'est vrai. Un chihuahua. Oui. Oh non, d'accord. Je suis désolé. Non, t'es pas. Il est. Oui, mais c'est. Oui. On va vraiment se faire casser la tronche. Non, mais c'est pas grave, pareil, c'est une petite bestiole à coups de pied, c'est sympa. Hein. Il dit. On plaisante, bien sûr. Non, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les petits chiens parce que ça. Ça est-ce qu'il rien. Fait beaucoup de bruit, ton chihuahua? Il aboie vite, oui, mais ça ouais, va. Ouais, c'est ouais. Ouais, il aboie seulement et quand il y a ronfle. Des gens. Par contre, il ronfle. Ça, c'est impossible la nuit. Il ronfle plus ah fort bah voilà, que là, là. Non, mais c'est j'étais sûr. Ouais, forcément, ça fait du bruit. Mais il y a bon. Pire. Il y a le combo. Il y a le bulldog, c'est-à-dire le petit chien qui pèse un ouais. Poids de fou, qui pue, qui bave et qui pue. C'est, vrai. C'est quand même une machine à crasse, les bulldogs. Je trouve que vraiment. Et alors, les pauvres, hein, parce qu'il y a des documentaires. Je me suis tapé un documentaire sur les bulldogs durant l'insomnie. J'ai pas de vie. Et non, mais vraiment. Tu savais que eux, en plus de ça, en plus d'être moches, de puer et de faire du bruit et d'être lourds. Ils ont des problèmes respiratoires. Ouais, c'est vrai. Et on doit tout le temps leur couper un bout de peau, je sais plus mais quoi. Mais voilà. Ouais. Et parce que, voilà, c'est un petit problème de la nature. Et donc, ils ont des petits problèmes de narines. Oh donc, là. En plus de ça, ils savent pas bien respirer. Faites courir, hein, votre bulldog. Vous allez voir comment il va ressortir. Même marcher. Il y a même pas besoin de courir. Ouais, c'est vrai. Tu l'appelles, il fait. Et c'est fainéant. Parce qu'après, il faut le porter. Ouais. Et comme il pèse un poids de malade, là, ouais, c'est pas chouette. Quelle horreur. Voilà. J'espère que vous n'avez pas de bulldog de l'autre côté de la cela radio. Dit, je voulais un bulldog. Hein. C'est vrai? Ouais, au final, j'ai eu un Jack complètement l'opposé. Mais ouais, je voulais un bulldog. Moi, j'aimerais bien un chien de vieux. Tu vois, genre un labrador. D'accord. Oh, c'est pas un chien. C'est un chien, ouais, un chien d'adulte plus. Voilà, ça fait. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime. Moi, genre, faut que... la maison, les enfants pour avoir un bon labrador. Ou un corgi. Tous les gens qui écoutent ça, un chien de vieux. Je vois tout le monde regarder merde, son chien là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est mon avis. Voilà. Ouais. C'est mon avis. Et puis, c'est tout. On aime, on n'aime pas. De toute façon, le chien, c'est toujours mieux chez les autres. Donc, ouais, c'est vrai. Ça dépend. T'as pas d'animaux, toi, à mon avis. Non, j'ai pas d'animaux. Voilà. Et je vous en merde. Non, mais j'en profite, je vais passer un message et on va être sérieux deux secondes dans cette émission. C'est les fêtes qui arrivent. Sous le sapin, vous allez faire des cadeaux. Alors, même si c'est une boîte avec des trous, n'offrez pas un animal. Non, ça. Parce que c'est un choix qui doit se faire par la personne. Et alors, c'est très beau, c'est tout mignon, c'est tout fluffy. Un chien, quand on le reçoit, quand il est tout mignon et tout petit. Mais ça grandit, il faut en prendre soin. Et l'offrir à quelqu'un, c'est surtout l'obliger à avoir une espèce de rigueur de vie pour le sortir, pour s'en occuper et tout ça. Et généralement, on offre des animaux à des gens qui sont en appartement. Et après, ils sont pas heureux. Et c'est toujours très compliqué. Et après, on s'en débarrasse. Et ça me met de très mauvaise humeur quand je sais que les gens abandonnent leurs animaux pour rien. Mais oui, mais c'est fou. Mais alors, dis-toi que là, c'est le pic. Hein. Les gens qui travaillent en SPA et tout ça, et au refuge, qui nous écoutent là ce soir, ils savent qu'en janvier-février, ça va être le pic des gens qui vont lâchement abandonner le chien, c'est parfois ça. Même sans rentrer dans l'endroit, mais juste en le balançant au-dessus de la clôture. Bah ouais, mais il y a des cons, il y a des cons. Ah mais c'est vrai, mais je discutais encore l'autre jour avec... Mais des gros cons même, hein, je le dis clairement. Parce une pote qui bosse dans un SPA, une SPA là, qui récolte justement ces animaux-là, il arrive que le matin, ils ont deux chiens comme ça, qui sont arrivés comme ça, qui sont tombés de nulle part, parce que des gens les ont balancés. Froid, donc s'ils les foutent la nuit ou quoi. Ils sont malades, ils ont mis des caméras de surveillance maintenant, donc ils voient un peu les plaques des gens qui balancent les animaux au-dessus de la clôture du refuge. Enfin bref, voilà. Ne le faites pas. Si jamais vous avez prévu d'offrir un animal, sauf si c'est vraiment réfléchi et consenti par la personne à qui vous allez l'offrir, ne faites pas la surprise parce que là. Ou alors faites-le et on vous enverra Maëva qui va vous casser les dents. Voilà, c'est ça. Arrêtez-vous de donner une image. Non, non, mais c'est pas grave. Non, mais on t'a vu, on a des images ici. T'as le droit d'être camionneuse et bodybuildeuse en faisant la radio. Non, mais ça va. De 20h à 22h, c'est la trappe sur Gaïef. Voilà, il y a un biceps qui fait la taille de ma cuisse, mais bon, bref, pas grave. On rigole. Maëva, c'est la douceur incarnée. Elle est belle, elle est gentille, elle est généreuse. Bref, Maëva, c'est une des personnes 5 étoiles dans cette équipe. Tu peux pas en dire autant, Kix, c'est vrai. Je suis pas tout seul à être tout seul. J'aime bien cette espèce de bruit de ventilateur qu'il y a dans cette musique, tu vois, un espèce de... Non, ça c'est ma respiration. Ah. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. C'est pas vrai. Non, oh non, ça y a pas. Ça, on a arrêté depuis longtemps. C'est vrai. Je suis sûr que il faudrait que j'écoute un peu Kayef la journée pour voir s'il y a encore des animateurs la journée qui annoncent le mercredi la trappe en disant vous allez voir, c'est toutes les infos connectées. Ça va être du sérieux. C'est geek. Tout est préparé. Donc ça, c'est vrai, mais. Non, mais je suis sûr qu'il y a ça. Il faudrait qu'on réécoute. Est-ce que tu veux noter ça en prod? On va faire ça et on va, pour la prochaine émission, vérifier ce qu'ils disent sur nous quand ils annoncent l'émission. C'est très drôle. Voilà, c'est noté. Et déjà, est-ce qu'ils nous annoncent? Oui, ça, ils le font. Ah, pardon. Ça, ils le font, puisqu'ils demandent aussi le sujet de l'émission et tout, donc toujours sympa. Ouais, non, ils font ça bien. Autant on voit jamais les gens de Kayef, autant ils font ça bien. Je te propose qu'on se connecte à Guy et comment il s'appelle? René et Guy. Alors, tu les connais? Oui, bah, j'ai eu l'occasion de les voir, oui. Ah, c'est vrai que les avions, oh en vrai. Oh là là, la chance. Oh là là, nous, on n'a pas eu l'occasion de les voir en vrai. Ils sont comment? Ils sentent le vieux? Vieux. Ah, oui, ouais. Ah, voilà. Ils ont un labrador? Bah, je te propose qu'on se connecte à Radio Falminioul, car l'électricité coûte cher, ils n'ont plus d'émetteur. Et pour pallier à ça, on leur prête quelques minutes d'antenne. C'est maintenant. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Voilà, c'était à l'instant Claude François que nous écoutions sur Radio Falminioul en fréquence modulée 97.8. Merci de nous avoir choisi via Internet si c'est possible. Vous avez Radio Falminioul sur Google et vous trouvez. Nous vous rappelons que nos nouvelles cartes de soutien sont désormais disponibles pour soutenir votre radio préférée. Il suffit simplement de moyenner 6€ pour faire l'acquisition de la carte de soutien qui nous aide à payer le courant. Pour les émetteurs. René. De votre radio. Dis René, ça ne va pas. Tiens, prends un petit remontant. Tiens, prends un peu de Red Bull. Tiens, les John, ils prennent ça. C'est bon, ça. C'est très bon. Ah, il paraît. Je revois en couleur. Waouh! Guy, t'as mis un peu le tricoté rouge. Venez m'aider, s'il vous plaît, pour lui faire son vaccin. Et qu'est-ce que son c'est ça? Son vaccin dans la fesse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... C'est vrai que c'est bon, cette bêtise? Au bon nom de Dieu! T'as vu? Oh, c'est de la bonne! Oh, vas-y, mets-nous un son de Jones. Non, c'est un son de Jones. Oh, ah oui, vraiment? Oui! Ah. Fais péter! Attends, je vais brancher ça. Hop, je t'ai trouvé un petit CD. Oh, ma mamie. Hein. J'ai fait tomber le CD. Je te le mets. C'est pas grave, vas-y. Et vous écoutez en ce moment Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Moi, ça plane pour lui. Oh, c'est bon ce que tu nous as fait boire, là. Oh, oh, je danse. Ah, j'en ai ramené tout plein. Oh. J'ai comme des grosses clés dans mon pantalon. Oh, mais quelle horreur! Oh, arrête, j'avais plus vu ça depuis 10 ans. Waouh! Attends, il faut que j'appelle ma femme. Hé, viens, ça remarche! Ah, remarche! Ah, c'est dégueulasse! Oh, j'en ai la nausée. Attends, je vais la poser sur la table. Oh, j'ai mon ventre qui en fait du bruit. Ouh là là, il m'a dégoûté. Ah, il est sale. Je vais te faire tourner comme un vinyle. Oh, qu'il est beau, le ciel. Il est beau, le ciel. Mais t'as pas vu ma grosse puissance d'émission? Tiens, bois un peu ça. Ah oui? Non, parce que c'est un nouveau remontant. Oui, il faut croire, oui. Mmh. Vas-y, goûte. Ah, je vais m'empresser de goûter ça. Attends. Jeanne. Ma hygiène. Oh! Oh, René! C'est un petit peu pâteux. Oh, ça brûle, ça brûle. Oh, c'était du gel hydroalcoolique, c'est pour les mains. C'était du désinfectant. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminule. Ah, tu mouches de partout, c'est dégueulasse! Encore en très grande forme, les deux, là. Oh là là! C'est comme chaque semaine. Non, mais on leur avait dit de faire plus court. Alors, c'est bien, ils ont respecté la consigne. Et j'ai passé le message, tu m'avais demandé de le noter. Ouais, je sais, mais... Ah. Est-ce que, juste, au passage, on peut leur rappeler que c'est une émission familiale? C'est vrai. Et qu'ils étaient un petit peu dégueulasses aujourd'hui, parce que... Hein. C'est Noël, le temps des cadeaux. T'as pas vu mes grosses clés? C'est dégueulasse. On peut pas faire ça. Là, c'est les fêtes. Je suis désolé. Radio Falminule, c'est encore borderline cette semaine. Je leur ai envoyé un fax. Pas sûr qu'ils passent 2023, eux. Hein. Ah, pas si, sûr. Si jamais ils changent, pourquoi pas? Oh, bon, il suffit qu'on envoie un peu de Covid là-bas et c'est réglé. Ça va. Ça, c'est trash. Pardon, c'est vrai, c'est pas gentil. On rigole, on rigole. 20h, 22h, c'est la trappe sur KIF. Qu'est-ce qu'on va faire après, Kix? On va faire plein de choses. Il y a le crypto troqué qui va arriver d'ici quelques instants. On a le top 5, surtout, qui arrive et ça va être génial. Trop bien. Le top 5 des pires Noël, ça va être fabuleux. Et on va parler du futur réseau social créé par des anciens Twitter. On va parler de drones, tout ça, ça se passe après Chris Brown. Oui, c'est Zelda Falgan que vous entendez là actuellement. C'est ASMR. Le chaudron de Jadoul. C'est sa petite potion magique. Oh oui, oulala, et pour une fois que c'est légal. On rigole, ça va. 20h, 22h, c'est avec Jadoul. Dans la trappe, sur KIF. Qu'a-t-on prévu de faire, monsieur le respect du conducteur? Le top 5. Le top 5. Le top 5 de quoi? Eh ben, des pires situations de Noël, tout simplement. Exactement. Heureusement que je peux m'appuyer sur lui quand mon cerveau est complètement engourdi. Ouais. Il est là pour me remettre sur les rails. Alors, le top 5 des... Ça avait un lien, je suppose, avec le truc d'avant, le médicament et tout ça, les rails. Oui. Mais comme on le soulevait pas, c'était de la subtilité. C'est vrai. Et vu que t'as un magnifique t-shirt RATP actuellement, qui n'est pas une blague, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Tu combines le tout, c'est parfait. Les rails de la... Ah, du métro. Oh, bah oui, bah... Oh, c'est fort. Est-ce que tu peux te décaler un petit peu? Merci. Hop là, voilà, à la trappe. Top 5 des... Non, casse-toi. Les pires situations de Noël. Alors Maëva, t'en as toujours pas trouvé. Toi, t'es Noël et t'es toujours parfait. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, je réfléchis et je me dis non. Ah, elle, au quand pire, elle arrive, elle arrive chez elle, tout est rose, tout est plein de paillettes, la table est dressée, tout est... Maria Carré l'attend en dinde sur la table. Mais il y a un mini truc, mais ça va être nul. C'était l'année dernière. Moi, j'ai acheté une robe de Noël, mais vous savez, les trucs bien. Vous allez me juger. Les trucs bien kitsch, là. T'étais en mère Noël? Non. Oh là. Mais genre, elle m'a vite calmé. Non. Oh là. C'était une tenue écossaise. Mais non, c'est, vous savez, les tenues. Que le jupon, ça, avec des trucs de Noël, des petits pères Noël, des petits cadeaux. Non. Ah, pardon, oui, désolé. Oui. Mais sauf que c'est du tissu bas de gamme, c'est un truc qu'on achète sur internet, un site chinois, bon bref. Et donc je me suis mis un petit peu près du poil et elle a commencé à cramer. Elle a fondu sur la vitre du poil. Ah, énorme. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Elle est où Maëva? Oh bah elle fait la bûche là, à côté du... Non, heureusement l'incendie s'est arrêté de lui-même. Mais du coup j'ai perdu ma robe de Noël pour toujours. Oh non, bah non, oh non. On t'aurait demandé elle de venir comme Halloween. Ça la semaine prochaine. C'est vrai, Halloween. Halloween, ouais. Elle la ressortira. En numéro 1 de ce top 5 des pires situations de Noël, on a aujourd'hui. Mon père me demande, sur le ton de la plaisanterie, ce que j'ai commandé pour Noël. Il enchaîne en disant, une petite amie peut-être ? Bon, apparemment, il a oublié son coming out qu'il a fait il y a 2 ans. Ce sont le genre de choses qu'on oublie facilement. Ouais. Ou alors le père est dans le déni, tu vois. Il dit, non, non, c'est Noël, c'est Noël, il s'est trouvé une petite copine. Il va forcer, allez, on force, on force. Allez, hein, t'auras une copine. Hein, dis-le, t'as une copine. Et si tu mets des robes, tu vas brûler comme Eva. Garde les pantalons. Le fils qui s'habille en robe en Noël, bref, dégueulasse. En numéro 2. Aujourd'hui, après avoir installé le sapin de Noël dans le salon, nous sommes passés au gros câlin sur le canapé. Ah. En plein milieu des ébats, le sapin nous est tombé dessus. Oh. Je vous laisse imaginer tous les endroits où il se... Oh mon Dieu. Quoi ? J'imagine le truc. Je vous laisse imaginer tous les endroits où se sont nichées les épines. Voilà. Ah, c'est le problème des sapins naturels. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, un synthétique, voilà. C'est beaucoup mieux. C'est vrai, c'est pas ça. Cool. Et il fallait que je vous raconte aussi, ne le faites pas sur la plage. Ah. Ok, ça c'est du vécu. Ça sèche. Les grains de sable. Les grains de sable. C'est ce qu'on appelle du vieux cul plutôt. Oui. Voilà, merci. Ok, c'est bon, je pars. 21h29. Note-le. On n'a pas compris. Aujourd'hui, je vois la publicité de mon parfum préféré et je demande alors à mon homme s'il peut me l'offrir pour Noël. Sa réponse, je l'ai déjà offert à mon ex, mais il y a moyen que je le récupère et que je te le donne. Merci mon amour. Ça, c'est hardcore ça. C'est génial. Et on termine en apothéose avec aujourd'hui, nous sommes en réunion pour l'organisation de la soirée de Noël de l'entreprise. Tout se passe bien jusqu'à ce que mon chef me demande si je peux me déguiser en Père Noël pour distribuer les cadeaux aux enfants. Parce que il faut quelqu'un qui a la morphologie du personnage. Oh, là là, mais... oh c'est violent. Ah, ça, non, c'est pas sympathique. Hein. Bah, faut que je vous raconte un truc. Vraiment, hein. C'est très glauque. C'était dans mon école primaire quand j'étais tout petit. Vraiment, c'était trop mignon. Petit papa Noël. C'était le concierge qui faisait le Père Noël. Voilà, parce qu'évidemment, les enfants, Père Noël ne peut pas venir partout, donc il envoie bah oui. Des copies approximatives. Et le problème, quand le concierge le fait Père Noël, c'est que ils étaient persuadés que tout le monde allait le reconnaître, donc ils lui ont mis déjà des lunettes de soleil. Père Noël qui a des lunettes de soleil, c'est déjà un concept. Alors, en plus de ça, notre concierge, paix à son âme, qui avait un peu tendance à forcer sur le cognac. D'accord. Avait des petits renvois. Oh là là. Donc, ça veut dire que quand l'instit m'amenait sur les genoux du Père Noël, t'avais un petit. Alors, mon petit. C'était. Ah, avec des morceaux dans la barbe et tout. Ah non, mais quelle horreur. Vous êtes monsieur Marcel, le concierge. Oh non. C'était horrible, horrible, horrible. Et sauf qu'il oubliait à un moment qu'il était devant les enfants et qu'il était c'est toujours ça. En Père Noël. Et donc, quand il se relève pour aller voir les profs, voir si c'est fini, il se relève. Il se gratte le cul, il fait. Oh non, bah allez. C'est encore longtemps, là, parce que moi j'ai encore la cour à balayer, les poubelles c'est à sortir. Possible. Et donc tu te dis, ah, la magie de Noël est au chômage. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà pourquoi vous n'aurez pas de cadeau. L'école était tellement gênée que le directeur était venu en classe expliquer aux enfants. Alors, vous le savez, c'était un faux Père Noël parce que ça avait fait scandale. Bah oui. Les parents s'étaient bah plaints et tout. Enfin bref, voilà, c'était encore une grande anecdote. Bon, les dernières étapes de ce top 5 des pires Noëls. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que mon cousin nous a invités, mes parents, mon chéri et moi-même, pour le réveillon de Noël. Ne les ayant pas vus depuis plusieurs mois, j'avais accepté avec plaisir. Nous sommes le 22 décembre, ils m'envoient un SMS. Au fait, c'est qui apporte le plat principal? Ok, c'est pratique l'organisation. Je pense qu'ils ont un tout petit peu alors, il y a une application qui s'appelle le Yumia. c'est vrai. Elle nous a parlé de ces applications. Tout est à réécouter en podcast. Vous tapez sur Google La Trappe Jadoul et vous tombez sur votre appli de podcast préféré sur tous les moments de l'émission en entier comme en découpé. Le 20h-22h, avec Jadoul. Dans La Trappe sur Galilée. Jean-Michel, vous êtes prêt? Oui, Jean-Michel, oui. Avec mon mal de tête, ça fait partie des séquences que j'ai envie d'annuler. Maëva, t'es d'accord, on annule? C'est pas très gentil pour lui. C'est vrai, oui, je suis d'accord avec elle. C'est vrai. Croisé. Bien. Ouais, tu tiens bien les paroles, ça. On voit que t'es fan, toi, t'es un grand fan, ça se voit. Ah, bah, j'adore, moi, Dinaz. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet. Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. On vous rappelle qu'il y a un concours. Oui, deux entrées pour... Attends, on t'a réveillé. On va juste faire une méthode radicale qu'on a l'habitude de faire dans la trappe pour se réveiller. Ah. Merci, j'en avais besoin. Non, mais du coup, oui, deux places de cinéma pour la sortie du biopic de Whitney Houston. Oh. I wanna dance with somebody. Bien. Ouais. Et bah, du coup, il faut envoyer le code ciné par SMS au 6007. Voilà, c'est fait. Exactement. Vu qu'on peut jouer, nous aussi, hein? Non. N'est-ce pas? Non. Ah, non. Nul. Ça n'a pas changé. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Oh. Ouais, d'accord, tu parles bien à nous, hein, pas aux éditeurs. Hein, oui. Ah, j'étais en train de boire un truc. Bon, alors, est-ce que je peux vous demander de décaler le crypto troquet? Parce que là, avec mon mal de crâne, je pourrais pas supporter Jean-Michel. Je peux pas. Il y a des trucs dans la vie où vraiment, c'est des moments comme ça où on se dit je suis à bout. Est-ce que c'est pas les premiers signes du burn-out? Si, moi je pense que oui. D'ailleurs, t'as déjà mis une belle veste. Ça sent le cercueil, ça. Hein. Vraiment. C'est quoi le style de veste que tu as comme ça pour dire au. Bah, c'est une veste un peu habillée. Tu décris ça comment, Maëva, toi? Je ne le décris pas. Voilà. Non, mais c'est gris. Enfin, c'est une veste de costard, oui, voilà. Si vous voulez. Mais non, parce que ça fait un petit peu un tissu. Enfin, pas tout droit comme une veste de costard. Je sais pas comment expliquer. On dirait une veste de costard, oui, taillée veste, dans un suite. Une veste habillée de costard qui fait mi. Ça fait jeune. Ouais. Ça fait jeune avec son t-shirt RATP. Ça donne bien. C'est bien, c'est sympa, vraiment. Non, t'es tout beau, vraiment. Ouais, tout se fait chier. Allez, démerdez-vous. Jadoul, hein. Reviens, Jadoul. Mais voilà, il y a Jean-Michel qui est là en plus. Non. Bon, bah, Jadoul l'a quitté. Non, je veux plus venir ici. Vous avez vu comment il me taille là? Ça, c'est les effets des médicaments, ça. C'est rien à foutre. On voit la suite et fin d'émission, au revoir. Ça faisait longtemps, hein. Santé, Jadoul. Oh non, mais c'est pas vrai. La séquence a même pas démarré, Jean-Michel. Non, oui, mais bon, j'aime bien cette musique-là, m'ambiancer. 21h42, il est l'heure. Une émission brassée avec notre savoir-faire, se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh! Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Après nous avoir. Oh là! Arrêtez! Coupez votre accordéon de merde, là! Voilà. Pardon, j'en pouvais plus de l'accordéon. Pauvre Monique. Oui, mais l'accordéon, ça va deux minutes, mais moi, je peux plus. Hein. Tu sais qu'elle a passé toute sa vie à faire de l'accordéon, mon Jadoul. Et toi, tu l'en fous comme ça dans... Ça, c'est pas cool. Oui, mais bon, voilà, c'est la vie. Il y a des jours, on n'a pas envie. excuse-moi, Monique, hein, vraiment, excusez-moi. Hein, c'est une saute d'humeur, mais tout va bien. Les médicaments vont faire effet. qu'est-ce qu'on faisait? Le crypto troquet. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir Jadoul. Comment allez-vous? Oui, bah ça va. Enrhumé, mais ça va. Ah. Que faites-vous de beau pour cette dernière semaine avant les fêtes? Oh bah écoute, la routine. Hein, je suis à mon bar en tête à tête avec mon fût. Attendez, vous êtes encore au bistrot? Jean-Michel, marché de Noël plus bistrot, vous accumulez tout? Oui, mais cette fois je ne bouge plus. C'est qu'il fait froid dehors et puis je suis bien ici, moi. Mais attendez, vous restez seul là-bas? Vous n'avez personne pour vous accompagner? N'oubliez pas que depuis l'histoire de la semaine dernière où vous vous êtes endormi dans l'urinoir en mangeant la pastille, là, il est préférable que vous soyez encore bien entouré. Mais rassurez-vous, mon Jadoul, je ne suis pas tout seul, hein. Ah, bon, alors ok, oui, ok. Il y a qui à vos côtés? Monique, Marlène, des amis à vous? Non, Jadoul. Encore mieux. Jadoul. Bah oui, j'adore. Je trouve que ça vous va vachement mieux. Je suis dans la réserve à fût, hein. Bah, c'est le meilleur endroit d'ailleurs. J'aimerais lui dédier une chanson à mon fût. Oh non. Alors pour toi, cher fût, je t'offre ces mots. Je prends une grande inspiration et puis je chante. Oui, on va chanter là. Ah bah bien sûr. Enchanté, mon c'est Jean-Michel. Vas-y, viens, on se boit un verre. Bon, si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te remplis après. Bouge pas, laisse-toi te vider. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Si c'est pas toi, ce serait un autre. Les plans fus, c'est mon quotidien. Mais difficile de me stopper. C'était pas mal, mais on se revoit demain. Faudrait quelqu'un pour me ramener. Le problème, c'est la bibine. quand les jours se ressemblent. Ils ont volé. Est-ce qu'il me tue, c'est le whisky? Est-ce qu'on vomirait ensemble en tequila? Me fait souffrir ma continence. Et le pastis me fait souffrir de mort de ventre. Et ton cellitre de rosé me devance. Attendez, nous sommes bien d'accord que vous venez de dédier une musique à un tonneau, Jean-Michel. Vous êtes sûr que vous allez bien ? Oh oui, je vais très très bien. J'irai même que je vais extrêmement bien, Jean-Doul. D'accord, d'accord. Criez pas, c'est pas la peine. Nous n'allons pas insister, hein, soyez prudents, passez une belle soirée. Non mais, si ça peut vous rassurer, hein, je ne risque pas de bouger, hein, vraiment. Hein. Vous avez une anecdote, un truc ? Non mais j'aimerais surtout continuer ma petite soirée, bien encanaillée. Ah. Attendez, vous pouvez pas nous lâcher comme ça sans une chute, une vanne, une blague, une anecdote Faites comme d'habitude, mon Jadoul. Vous n'avez qu'à combler avec votre bruitage de fanfare, là. Allez, à la vôtre. Hein. Kiss, kiss. Allez, kiss à Jadoul. Hein. Non, mais Jean-Michel, vous pouvez pas nous lâcher comme ça sans faire de vanne ou quoi. Là, il manque un truc pour terminer la séquence. Oui. Mais il manque votre fanfare. Mettez votre fanfare. 1, 2. Alors, Jean-Michel, c'est petit de réduire notre émission à un bruitage de fanfare. C'est ce que vous faites tout le temps, à chaque fois vous terminez avec votre fanfare. Non, Moi, je dis, il faudrait la mettre. C'est pas vrai, on fait pas que ça. Oui, et ben, si vous prenez ce pli-là, il y aura plus rien dans l'émission aussi, Jean-Michel. Ah, bah, tant pis, en tout cas, moi, mon fût, il est encore rempli, je vais aller le terminer. L'émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse, à consommer sans modération. Waouh. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Très drôle, le plan fut, je le retiens. C'était très marrant ça. Merci Jean-Michel. Chouette musique d'ailleurs. Ouais, vraiment. À retrouver en podcast évidemment. Jadoul, la trappe, vous tapez ça sur Google et vous avez tous les moments de l'émission et l'intégrale à réécouter. Voici Gotti Maras. Fais des bulles, Jadoul. Ça y est, l'émission va basculer dans un autre univers. Canon. Attention. D'ici quelques instants, nos séquences de forains vont arriver. Ça, ça va être génial. Joyeux Noël à toutes et à tous. La Trappe, l'émission connectée qui te fera complètement oublier que c'en est une. D'ailleurs, l'équipe aussi a complètement oublié qu'ils doivent parler tech. Ah oui ? Jadoul, dès 20h, sur KIF. Ah ben bien sûr. Mais tout ça, ça démarre juste après la dernière séquence sérieuse de l'émission. Hein. Il fallait bien qu'on en fasse une. La mise à jour. On va parler d'un futur réseau social créé par des anciens de chez Twitter. Alors vous le savez, chez Twitter, en ce moment, c'est... Oui, c'est la cata. Il y a du monde au balcon, quoi. Hein. Disons que... Et c'est pas pour faire coucou, c'est plutôt pour se jeter. C'est avec Elon Musk hein, qui reprend les rênes de la société et qui fait un peu nimp. Le nettoyage. J'ai lu un article avant d'arriver à la radio. Oh, c'est bien ça. Merci. Ça arrive pas souvent, tiens. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais il paraît que 53% des utilisateurs de Twitter veulent que Elon Musk quitte la direction du réseau. Ah. Ah. Et moi, j'ai pas Twitter déjà, donc j'ai pas. Oui, mais comme beaucoup de Belges, hein, en Belgique, je sais pas pourquoi Twitter, ça n'a pas pris. Non, je n'arrive pas non plus. Sur Twitter, c'est les fans de foot déjà. C'est les rageux. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce réseau. Oui, mais toi. Vas-y, dis. Hein t'as une dent contre Twitter. Ah, c'est ça. Ça fait des années. Tu disais parce qu'il me manque une dent, c'est ça ? Oui. Non, j'ai gagné, il manque une dent. Exactement. Mais c'est les dents du bonheur, comme on dit. C'est ça. Voilà. Bon, on va parler de Spit. Non, attends, comment ça s'appelle ? Spiel. On parlait de Spiel. On dirait un truc luxembourgeois. C'est un réseau social qui veut donner la priorité à la culture et récompenser plus justement les créateurs de contenu. Donc, c'est deux anciens de Twitter qui viennent de créer leur propre. Le plan. Toi, tu refais des bulles. Attendez, je recommence. C'est un Pokémon, il évolue. Capturez-moi ! Ouais. Non, en gros, ils veulent que Spiel répande la culture et donc ça se traduit par répandre. Spiel, ça veut dire répandre. D'accord. Voilà. Je savais pas. Hein. Nous, ici, on est en train de se spiler. Ouais, c'est ça. On se répand. Voilà. Et attends. Ouais. Tiens. Alors ça, par contre, on est peut-être pas obligé. Là, j'en ai plein sur le pull maintenant. Oh, bah, ça, c'est génial. Ça le colore. Hein. Ouais, ça le colore. C'est pas toi qui fais les lessives. Bah après avoir taclé mes vêtements. Hein. Ça, c'est pas faux. Ça rendra peut-être ton pull beau. Ah. Bon, il y a une bonne ambiance ici dans l'équipe. Ça, il me semble. Non, non, mais on s'aime, viens faire un câlin. On a encore 8 minutes pour se taper sur la queue. Viens faire un câlin, toi. Voilà. Bon, on va faire rapidement. Oui, t'as raison, il reste plus que 8 minutes d'émission. On est méga à la bourre, puisqu'on doit encore se connecter au marché de Noël, là, juste ah après. Ouais, donc, c'est oh là là, attends, il y a encore beaucoup de trucs à faire. Donc, on va vite enchaîner. Bref, Spiel, on peut déjà s'inscrire. Les utilisateurs seront placés sur une liste d'attente. Et en gros, ça dure 8 semaines pour trouver un pseudo sur l'application. Et en gros, c'est un fil d'actualité en direct qui permettra aux utilisateurs de publier du contenu avec un outil baptisé Tea Parties. Ouais, tea comme le thé, offrant okay. la possibilité de créer des événements. Et en gros, avec Spiel, bah, on pourra mettre en avant les créateurs de contenu, justement. Et même s'ils viennent de TikTok ou quoi, il y aura un algorithme qui fera un tri là-dedans et qui pourra enfin dire, voilà, ça, c'est un vrai créateur et ça, c'en est pas. Ok, donc en gros, c'est un petit peu créer quelque chose pour faire du style... ça c'est complètement nul à chier et nous on vient avec un truc super beau, poli. Oui, bah après gros. Ça c'est ce qu'ils promettent dans le communiqué de presse. Maintenant voilà. on verra ce que ça va donner en vrai. On verra. Mais déjà avec Facebook et Twitter et Insta, moi je m'en sors pas. Alors si en plus on rajoute Spiels là, Spiel, je vais pas m'en sortir. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. D'ici quelques instants, marché de Noël. Oui. Et du vin chaud, évidemment. Volume joint avant. Ok. Et on Spiel avec bolide allemand. Ouais, c'est ça. SDM maintenant. Est-ce que la contrôleuse peut nous dire si on est à l'heure dans l'émission ou pas? Absolument pas. Ah, très bien. On va encore finir à 22h et des poussières. Ça va être très sympa. Ils vont nous détester ici. L'actu connecté et les dernières tendances sont dans la trappe. Et c'est vrai, pour une fois, on va vous parler d'une cinquantaine de drones qui étaient dans le ciel de Perth. C'est en Australie. Tu prononces très bien. Oui. C'est pas Perth. Attends, j'essore le micro. Ouais. Voilà. Il goûte encore, fais gaffe. Ah oui, non, c'est cool. Comme le gâteau de ton anniversaire. Ah ouais, oh là là, la semaine dernière. La semaine dernière. Gâteau, là. Bon. Nous éparpillons pas parce que sinon on va être plus à la bourre. On a vu sur Twitter, sur une chaîne d'info locale, qu'il y avait un Drone Sky Show. C'est une société qui fait en fait des spectacles dans le ciel avec 500 drones. Tu te rends compte, Maëva, le truc. Ouais. C'est le puits du fou, quoi. C'est... Mais il y a ça à Disney aussi. Ouais, non c'est ça. Ouais, voilà. Puis ils font en étrange. Oh, c'est ça, ils font le. Oui, oui, ouais, t'as vu. Je vais voir ça. Ouais. Tu lui as spoilé, il va à Disney en janvier. Oui. C'est pas grave. Bon, moi, je sais qu'on est. Je parlais pas de ce Disney-là. Je parlais d'un oui, en Floride. Ouais, bon, c'est ça. On me prend pour un con ici. Il s'est juste passé un truc, c'est que c'était très beau, les drones. Ils doivent écrire des messages, faire des figures dans le ciel et tout. Ouais. Sauf qu'ils ont perdu le contrôle de quelques drones. Aïe, aïe, aïe. Il y a une cinquantaine de drones qui sont écrasés dans le lac. Les uns après les autres. Et voilà, disparition de 50 drones, soit 63 000 euros de ouais, pertes. J'allais dire, putain. Bah ouais, ça coûte cher. Hein. Et là, c'est fou. Non mais imaginez... Il y a quelqu'un qui a dû être viré, à mon avis. Et pas qu'un peu. Imaginez votre demande au mariage avec des drones. Et chérie, si je t'ai amené tout en haut de l'atomium aujourd'hui, c'était pour te faire une demande. Oh, je sais, je n'y crois pas mes yeux. Je suis émue. Tiens, lis ce que les drones y forment là-haut. Attends, ils sont pas très stables. Ah non. Ruth, veux-tu me pousser? Bien sûr que je vais te pousser, salaud, moi qui pensais que tu voulais m'épouser. Tiens. Mais c'est ce que je voulais te demander. Oui. Subtil. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Merci Rosalia. Merci. Ouais. Kix, t'aperçois Claude? Oui, je le vois. Toi qui es orthophoniste, tu ne les as jamais vus dans ton cabinet? Et c'est normal. Dans la trappe, c'est le moment de les découvrir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Il est toujours en forme. Hein. Oh là. On va se connecter au marché de Noël de la trappe. C'est juste devant notre studio. Il y a plein de beaux chalets. Maëva a été acheter son pull de Noël là-bas. Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'était pas un pull de Noël, Jadoul. Et ce magnifique cendrier pour toutes tes clopes que tu fumes entre chaque séquence. Je dis ça juste parce que son père écoute l'émission. C'est ce que j'allais dire. C'est même pas vrai. Et en plus, il va te dire, mais enfin, mais t'es pas drôle, Jadoul. Bah oui, il ne savait même pas que je fumais. Non. Alors que pour l'alcool. Ça, on peut le dire. Voilà. Oui, on est ouvert à tout. On peut, ouais, c'est toi qui sers le vin chaud. Bon, on va revenir au sérieux deux secondes parce qu'on est quand même avec Claude en direct du marché de Noël. Alors, il semblerait qu'il ait changé de stand. Son micro sature toujours. Hein. Bon, voilà, Claude, il sait toujours pas tenir un micro. Bref, c'est le pire envoyé spécial c'est de Claude, la Terre. Quoi. Ouais, c'est Claude, quoi. C'est Claude. Claude, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'adore le truc de fou. Ici, il y a le gars qui fait des cuisines. Attendez, c'est trop bien. Alors, essayez de l'avoir. Hey, bonjour, monsieur. Je vous connais, vous, hein? Vous êtes le gars de la TV, vous. Michel Boreux, c'est ça? Je suis Donald Meul. Ah, merde. Vous cherchez une nouvelle cuisine? Non, je veux juste savoir ce que vous faites ici. Je suis Donald Meul et j'y crée toujours des cuisines comme je le ferai pour moi. Et ça va, hein, prends pas la grosse tête, hein, Donald. Tu proposes quoi de spécial, grand? Vous pouvez maintenant personnaliser votre cuisine? Bah, ça, je le faisais déjà avant, hein. Merci du conseil, hein, monsieur, je sais tout ici. Je suis Donald Meul et débarque avec une nouveauté spectaculaire. Ah oui? Une machine à décapsuler? Petite poulette livrée avec la gazinière. Oh non. Une machine à laver qui range la lessive déjà dans ma garde-robe. Vous pouvez maintenant personnaliser votre cuisine avec votre photo préférée. Ah, et je dois avouer, c'est plutôt sympa votre petite connerie là. Alors venez certainement nous voir. Et vous, monsieur le routier, pas beau là. Oui, vous, ouais, vous. Vous avez mis quoi sur votre cuisine, vous? Ma moto. Ah, ça c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est même très laid, hein. Et vous avez autre chose si je pousse ici sur cet interrupteur? Cuisine d'Henri. C'est encore rigolo, hein? Cuisine d'Henri. Arrêtez. Cuisine d'Henri. Oh non. Et au fait, je suis Donald Meul et j'y crée toujours des cuisines comme je le ferai pour moi. Au revoir, hein, mon gros monsieur. Je suis Donald Meul. Mais ça, vous saviez déjà. Allez, ciao, hein, Donald. Bravo pour l'interview, Claude. On se retrouve très bientôt dans la trappe. Hein. La trappe. Oui, la trappe, la trappe, ah, la trappe, la trappe. La trappe. Oui, on arrête, s'il vous plaît. Avec Jadoul. Merci. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Oh là là, 22h04, on n'a même pas entamé le blindlet. J'aimerais dédicacer, si je peux, hein, je fais comme chez moi maintenant. Oui, vas-y. Cette petite séquence, enfin, merci pour ça, parce que mon papa est fan de Donald Meul. C'est un vrai délire. Voilà, papa, si tu m'écoutes, c'était pour toi, Donald Meul. T'as pas vu Maëva, est encore en train de cloper dehors. Maëva, reviens. Ça a repris. Non, mais s'il te plaît, fais un vrai démenti pour mon père, s'il te plaît. Non. Come on, wake up, let's go. Prêt pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Décollage, que le blindclet démarre. La musique machine. On va encore en bouffer de la bonne reprise aujourd'hui. C'est parti. Après vous avoir piégé la semaine dernière avec une spéciale, j'avais fait des sons de Maria Carré. Ouais. Là, retour au vrai blindlet. Hein, donc ça veut dire que c'est un blind test, mais qu'avec des retour à la compétition. Ouais, aussi. C'est ça. Des gens mauvais qui viennent de chez TikTok. Et désolé, il faut le dire. Il faut le dire. C'est là, maintenant, voilà. On est là pour ça. Bon, sur ces belles paroles, je vous propose de démarrer avec le premier exemple. C'est parti. Last Christmas. Mais oui, ça avait commencé. Mais c'est qui? C'est qui? Mais je sais, moi. Vas-y, tu peux dire. Mais non, mais c'est WAM. C'est WAM? Moi, j'aurais pas trouvé. Donc. Ouais. Alors, on écoute. Last Christmas, I gave you my heart. Ouais, c'est sympa, ça. Last Christmas, I gave you my heart. La vraie version de WAM est quand même meilleure. Bon, on va accorder le point à Maëva. Bah non, il a dit Last Christmas. Non, moi, ça, c'est facile. C'est les paroles. C'est les paroles. Tandis que toi, t'as trouvé l'artiste. I'll give it to someone special. Oula. La musique est finie, madame, hein, il faut s'arrêter. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ouais, c'est bon, tiens. Voilà, merci. Ma petite dame, ça fait 5 minutes que le bar est fermé. Allez, on quitte l'ambiance de Noël avec le suivant extrait. Maria Carré, non, Britney Spears. Je suis désolé, qui que ça a été plus rapide. Ouais, ouais. Britney Spears avec quoi? Tu l'as pas? J'ai pas le titre. Womanizer. Voilà. Bonne réponse. vous raconterai arrête pas. Arrête-toi. Ce qui se passe dans ce studio. Non, remets ta ceinture, Jadoul. Remets ta ceinture, oui. Bah, c'est déjà, pas le moment. Déjà, de un, il y a des mauvaises odeurs qui circulent. Oui. Ah, et de deux, c'est pas pratique. Ouais, c'est bon. On peut pas faire Chipendale. Non. Oh, bah allez, c'est bon, je remettrai ma ceinture plus tard. Britney Spears avec Sennheiser, c'est ça? Womanizer, tu sais, le fameux. Ah, ouais. Oui. C'est sous la douche. Oh, le son est dégueu. Ah, j'ai mal aux oreilles. Oui. Mais il met aucune volonté aussi. Non, là. Vraiment, il y a vraiment, c'est y a rien du tout. On donne le point à qui? Ah. Bah, voilà. Ah non, à qui s'il l'a dit plus arrêtez rapidement. Arrêtez vos formules de poule. Moi, ouais, je ne dis rien. Je ne veux pas gagner comme ça. Ici, c'est chacun pour sa gueule, d'accord? Oui, non, mais justement. On fait plus de formules de politesse. Kix, c'est perdu. Maëva, c'est gagné. Non. Voilà, allez, hop, merci à tous. Bah oui, t'as dit Womanizer, je suis désolé, t'as dit le titre. Lui, il l'avait pas. Voilà, c'était trop facile. Bon, suivant. C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc. Ça c'est le petit Papa Noël. Mais c'est déjà ancien. Toby Barzotti. Non. Comment il s'appelle? Oh non. Ah, il faut le trouver. Avant de fermer les paupières. Yeah. Comment il s'appelle? J'ai dû le voir récemment en plus. Une dernière prière. Ah, ça m'ennuie. Je l'ai là, mais je. Ah, le. Petit. Non, en fait, j'ai peur de dire tellement une grosse connerie. Ah, vas-y. C'est... Mais si c'est pas ça, on va se moquer de moi. J'ai dit que le bordel est drôle. C'est pas Tino Rossi? Si. Ah. C'est ça. Son petit accent descendra du ciel. Petit Papa Noël. Est-ce qu'elle le fait? Ouais, elle a aussi un accent, elle. Quand tu descendras. Non. Si, mais elle, c'est plus quand tu descendras du ciel. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle s'appelle Maëva, là. Non. Je te jure, tu peux regarder ça. T'as trouvé mon compte. Avant de fermer les. Attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de son micro. Ouais. Que d'un coup, elle revient. Mais c'est normal, c'est le temps qu'elle tire sur sa cigarette. Ah oui, ouais, c'est vrai, elle s'appelle Maëva. Avant de fermer les paupières. On en est où dans les points? Bah, 3 partout, non, je rigole, 3-0. 3-0 pour ouais, toi. Pour l'équipe. Bravo. Bravo. Tu vas te rattraper peut-être là-dessus? Ouais. Le chanteur Daniel Balavoine. Merci à tous. Version. Ah, moi j'étais lancé là. Ah, pardon, je te le remets. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent de son moi. Ah, bah, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent. Qu'elles s'arrachent ma vertu. Il devrait y avoir un compte TikTok où on pourrait trouver. Ah ouais, il faudrait qu'on chante. Trouver là-dessus pour la janquette. Ouais, bah la version clète. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle. Bon, ça, c'est la version raclette. Ça va, t'étais pas si loin de ça, quoi. Ah, c'est pas. Quelle manière, qu'elle me tue. Qu'elle s'arrache ma vertu. Ma vertu. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole. Oui, bah c'est gentil. Brûleront mon auréole. Oh là. Saliront mon passé. C'est vraiment dans les paroles, ça brûleront mon auréole. Oui. Ouais. D'accord. Voilà. Vers la fin. Ok. C'est quand c'est toujours chanté par, la fin, par quelqu'un d'autre qu'on redécouvre les paroles. Ok. Toujours comme ça. Je vous propose le dernier. Vas-y. Il est un peu plus coton. Ça va vous rappeler des souvenirs. Maria Carré. Mais oui, Maria Carré. C'est quand même pas ce que je pense. Si. Oui. D'accord. C'est une version paix de Maria Carré. Version fesse. Il fait bien ça la fesse, hein. Non mais qui fait ça sérieusement? Ça il tient bien la note. Ouais. Oh là. Quel massacre. J'ose pas poser la question, mais il y a une vidéo qui va avec. Oui, celle où il se met du talc. J'ai vu les images, je peux vous dire que je ne veux plus revoir ça. Okay. C'est quand même la... chercher ça où. La farce cover, TikTok, quoi. C'est pas On vous avait dit que c'était une émission familiale aujourd'hui. Hein. C'est Noël, un peu trop. Le temps des cadeaux. Mais justement, est-ce que le Blanklet a fait des cadeaux à l'équipe? Quels sont les points? Alors c'est 4-0. Oh non. Oh non. Mais c'est non, une non, belle victoire. Ah si. Mais non. Non. Mais non. Oh là là. Attends, parce qu'elle n'est pas contente. Mais non. Oh, hé, hé. Hein, hey, j'ai gagné, bon. Mais. Déjà... Hey. Oui, voilà. C'est ça. Oui, attends. Quelqu'un veut du vin chaud? Il est temps d'aller faire dormir vos tympans. Ouais, je crois bien là, parce que là, on en a bouffé du truc là. Ouais. Nous allons pousser les décibels au maximum pour vous faire pénétrer au son des nouveautés dans l'autre musique. Alors. Non, t'arrives un peu tard, c'est fini là. L'émission est terminée, donc gros bisous peut-être. Grosse bise à toutes et à tous sur le bout du nez. Voilà, là on va faire ça comme ça, c'est peut-être mieux. Bon bah l'équipe, je vous souhaite un excellent Noël. Oui, bah toi aussi. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Et oui, il fallait. Tu gardes la même veste. Ah tu me saoules. Qu'est-ce qu'est là ma veste? Rien. Eh bien. Eh non, t'aimes pas. Mais si. Non, t'aimes pas. Eh bien. T'aimes pas. Moi, j'aime bien. Moi, là, je suis prêt. Mais vois, oui, elle est bien. À sortir en boîte, draguer de la poulette. Salut, poupée. Et t'as vu ma veste? Dedans, j'ai du... Non, rien. Alors, non, mais... elle est bien. Elle est bien. Toi, tu... Non, mais non, elle est... Elle est bien. Avec un... Elle est bien. Mmh. Ah, bien posé, tu vois. Il est sérieux ou pas, Maëva? Parce que... Enfin, pose ta clope, on parle, là. Non, mais franchement, moi, je trouve que... Bon, je sais pas, moi, j'aime bien la veste. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, je la remettrai plus. Vous avez gagné. Bravo. Vous avez gagné. Bravo. Ça, c'est bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. On se dit au revoir. Oui. Allez. Bisous. Salut, voilà. À demain. Il est où, mon son, là, pour dire bah, au revoir? Bravo, bah, bravo. Et maintenant... Non, c'est pas ça, c'est ça. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Je vous souhaite dorénavant une excellente soirée. Gros bisous, Maureen, à très bientôt. Encore une fois, je vous souhaite tout le bonheur du monde et une longue vie sexuelle. Ah oui, surtout à Noël. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. Oh non. J'ai des grands dans la police. Oh oui. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mmh. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Ah bah on bouche tout, on referme la trappe, c'est fini d'ailleurs. Merci à tous. 22h16, 17, 18 bientôt. 18, ouais. Oh là là. Bon bah on se casse. Hein. Non, on va dire 16 comme ça. On va dire 16. On prend moins de retard. Les patrons ils sont contents. Bon bah voilà. Ah oh merde, on a oublié d'appeler le gagnant pour Whitney Houston. Bon, c'est pas grave, on l'appellera hors antenne. On l'appelle hors antenne, Whitney Houston, I wanna dance somebody. With somebody. On offre deux entrées hors antenne, là tout de suite, juste après l'émission. Vous envoyez encore ciné au 60-07, on fait le tirage au sort juste après. On se fait des bisous, joyeux Noël et on ciao, se retrouve bonne la fête. Semaine bisous, prochaine bonne en direct. Yes. La trappe revient mercredi prochain.